Au commencement était une blonde belge. Le premier jour, elle créa l'homme belge qu'elle appela Visorek. Au deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième jour, on ne dit pas ce qu'elle fit. Mais au septième, au lieu de se reposer, la belge créa un deuxième homme, français, Meurice. Et là, c'est comme si elle avait croqué la pomme. Ce fut le chaos génial. Et oui, Dieu est une femme, qu'on se le dise. Oui, qui vit avec deux hommes dans son bureau. Moi, je me dirais, merci, Laetitia. Hommage à notre invité et au film dont il vient nous parler. Eh bien, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction, parce qu'on en a parlé également. Salut les amis. Salut Charlie. Primo du travail, deux yeux du contenu, tertio du contenu. Très bien, ça. Et quand tu dis travail, d'abord, c'est plus facile. Oui, voilà. Il est où, Guillaume? Il râle. Bah, Guillaume râle. Quoi? Parce qu'on l'a obligé à aller au MEDEF? Non. Mais pourquoi il râle alors? Enfin, il trouve que Mélenchon a un discours de droite. Non, c'est à cause des invités. Ouais, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, on reçoit Jacob Van Normal. Oh, c'est un type formidable. Mais il est belge. Et alors? Et ben lundi, on a reçu Amélie Nothomb. Ah, bah, c'était une super émission. Oui, mais sur 4 jours, ça fait 2 Belges. Voilà. Et alors? Bah, il trouve que vous faites du prosélytisme belge. Voilà. Ouais, mais c'est du racisme. Oui, mais il a dit la France n'a pas vocation à accueillir toute la belgitude du monde. Ah, oui, il est fou. Mais enfin. Non, il a dit le grand remplacement, il viendra pas du sud, c'est du nord qui viendra. Mais ça va pas. Oui, puis continuez, je demande un grand débat sur l'identité nationale, tout ça. Bon, on a encore des Belges de prévu. Ah bah la semaine prochaine, lundi Stéphane de Groot. Ouais. Mardi Marie Gillin. Mercredi François Damiens. Ouais. Jeudi Cécile de France. Ah, elle s'appelle de France. Ouais, voilà. Et vendredi. Bah, ça va. Bon, on annule tout et puis vous mettez des Français comme ça on discute plus. Non, on n'annule pas Marie Gillin. Si, tout. Mais Alex, non, j'allais lui déclarer ma flamme. Y a pas de mais, Alex. Voilà à quoi ça mène le racisme, l'échec d'une grande histoire d'amour. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui réécrit l'actualité et voici les 3 informations que vous ne reconnaîtrez plus d'ici 18h. Dans chaque parti politique, celui qui dirige c'est l'ego, celui qui divise c'est l'ego, celui qui dit des conneries c'est l'ego aussi. Votez pour moi! Ces réfugiés qui tentent de passer la frontière veulent vivre chez ceux qui tentent de dépasser la notion de frontière. C'est une notion qui revient à la mode. Papa est dans quel pays, là? En Belgique. La Belgique qui est? Le plus beau des pays. Là, je suis dans quel pays? Dans la France. La France, c'est un pays de gros? De gros appétits. Les héros de fiction. Les héros de fiction ne demandent qu'à vivre de nouvelles aventures, même quand leur auteur a disparu. C'est le cas du polar suédois Millennium. Le tome 4 est sorti. Voici la réaction du tout premier lecteur à Stockholm. Allemand-Fonte qui monte, Allemand-Fonte qui monte, Ando-Stompé. Voilà, c'est à chier. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est capable d'écrire un scénario à tiroir, bien qu'il soit incapable de monter la surprise d'un Kinder. Je suis accompagnée d'Alex Visorek. Mais vous êtes mon Ève et je vais tenter d'être votre Adam pendant cette heure un peu divine aujourd'hui et toute une grosse équipe pour nous surveiller à 17h20. Notre philosophe musicalo-zoologiste. Hier, il nous a gratifié d'une analyse pointue du pet de hareng. On est donc impatient aujourd'hui de savoir quelle est la note jouée par un ornithorynque en plein coït. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? On va faire une leçon d'organologie. Ah, mais c'était pas loin. Depuis le temps qu'on attendait ça. Mais voilà. Ah, 17h30. Ça nous manquait. Oui. Aujourd'hui, il était dans son élément. Ah oui. Il a passé une journée uniquement avec des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Alors, Guillaume Meurice, c'était comment le MEDEF? Eh ben oui, effectivement, c'était très sympa. J'ai beaucoup ri. Et pour cause, il y avait une personne qui proposait au patron des séances de yoga par le rire. Voilà, on va bien rigoler. Et à 17h40, c'est la première fois qu'elle vient nous voir. Elle est écrivain, nous parlera de littérature, mais surtout c'est une tête. Elle fut reçue major aux mines de Paris, elle choisit finalement d'entrer à Polytechnique. Mais qu'est-ce que vous foutez là, Je me demande, Alex. C'est une punition pour vous et j'en suis désolé. C'est Clara Dupont-Monod qui vous a balancé. C'est des travaux d'intérêt général. Vous êtes punis, puis c'est tout. De quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin. Très bien. Allez, si tu écoutes, j'annule tout, est présent dans un monde virtuel, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République qui nous vient d'une monarchie. Vous êtes né sous Baudouin de Belgique. Votre premier long métrage, Toto le héros, remporte la Caméra d'or à Cannes et le César du meilleur film étranger en 91. Une année hautement culturelle, puisque c'est aussi l'année de sortie de la Zoubida de Vincent Lagaffe. Comme quoi, tout n'était pas mieux avant. Vous réalisez le 8e jour pour lequel Daniel Auteuil et Pascal Duquesne reçoivent le prix d'interprétation à Cannes en 96. Et cette année-là, Dieu créa la Macarena. Pas la Vierge, la chanson de l'été. Votre dernier film sort mercredi prochain, le tout nouveau Testament. En même temps, le même jour qu'aura lieu un comité extraordinaire chez Findus qui risque d'être racheté par Captain Igloo. Hein, c'est comme ça. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis. Oui, qui êtes-vous? Je suis Jacob Van Dormaal. Oui, voilà. Oui, c'est Jacob Van Dormaal. Il avait oublié. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. Vous avez oublié. Il n'a pas d'ego, c'est pour ça. c'est ça, il n'a pas d'ego, mais il a recréé Dieu, Jacob Van Dormaal. Le tout nouveau Testament, c'est le film qui sort mercredi prochain. Comment appelle-t-on ce surtitre que vous donnez, cette punchline? Qu'on appelle ça une punchline. Une punchline, c'est un petit truc court, je ne sais pas, ça doit être punch et en une ligne, line. Qui s'appelle Dieu, c'est Dieu existe, il habite à Bruxelles. Ça, nous, on le savait tous. Nous trois, ouais. Avec Alex Vizorek, on le savait bien sûr, mais les Français vont le découvrir. Bon, on savait que c'était le surnom d'Alex Vizorek, mais c'est pas qu'il y a un film avec dessus. Benoît Poulvord dans le rôle de Dieu, et puis je vous laisse nous donner le casting. Et puis ça, Yolande Moreau qui est sa femme, et Billy Groen qui est sa fille. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de son fils, mais pas beaucoup de sa fille. C'est ça, exactement. Et on n'a pas beaucoup parlé de sa femme non plus. Donc c'était... En fait, Dieu existe, il habite à Bruxelles. Il a commencé par faire Bruxelles. Bruxelles d'abord. D'abord, hein, désert. On voit que c'est un brouillon. C'était pas pour faire plaisir aux gens qu'il a fait ça. Hein. Et puis il a mis des girafes et tout, ça n'a pas marché. Il a mis des tiques, ça n'a pas marché. Il a mis Adam et Ève, ils se sont reproduits. Et très vite, ça a créé les embouteillages. Et Dieu est un salaud, incarné par Benoît Poulvord. Il y a aussi Catherine Deneuve, il y a aussi François Damiens. Et voilà, Dieu est un salaud. Alors, on a vraiment adoré votre film. Oui, mais alors, c'est un mot que je n'emploie jamais. Et là, alors, moi, je dis hashtag génie, hashtag humour, hashtag poésie. Que dire de plus? Mais est-ce qu'on a aimé parce qu'on est belge? Ou vous pensez que les Français vont comprendre? Non, mais je pense que ces derniers 20 ans, les Belges ont appris à faire des blagues sur eux-mêmes avant qu'un Français la fasse. Oui. C'est plutôt ça. On a un film vraiment extraordinaire, on vous conseille chaleureusement, vous pouvez pas vous tromper dans le voir. Mais alors, recréer Dieu, en faire un salaud et toutes les conséquences que cela implique, c'est complètement mégalo comme scénario, Jacob Van Dormaal. On a écrit avec Thomas Gunzik, hein, qui est un ami et écrivain. On était parti de cette idée-là. Un peu inspiré par une phrase de Woody Allen qui disait « Si Dieu existe, il a intérêt à avoir une bonne excuse. Mm-hmm. » Et donc on se disait « Dieu, il s'emmerde, il habite Bruxelles, c'est très concret. Il n'habite pas New York ni Paris, etc. Non, Bruxelles, il pleut, c'est gris. Et il invente les lois de l'emmerdement universel. » Vous ne bossez pas à l'office de tourisme de Bruxelles. et on est toujours dans la file qui avance la moins vite, etc. Et on sait jamais, on ne le savait pas, il a une fille de 11 ans qui est rebelle, qui déteste son père. Et pour se venger, elle balance sur Internet le secret le mieux gardé, c'est les dates de décès de tout le monde. Et chacun reçoit sur son téléphone portable le jour où il va mourir. Et évidemment, ça change un peu tout. Et surtout, elle doit se tirer de l'appartement. Descendre dans sinon son père la tue. Voilà, sinon son père, oui. On imagine les conséquences d'un dieu salaud qui crée les pires lois dans l'emmerdement et puis sa fille qui donne la date de mort. Donc il y a des conséquences gigantesques. Donc le champ des possibles était immense. Et de là, par l'histoire et alors des gags aussi, on peut dire gags parce qu'il y a beaucoup d'humour, mais ce qu'on en voit pour l'instant dans la promo, etc., est assez axé sur l'humour, mais il y a une poésie. C'est un film extrêmement poétique aussi, non? Je crois. Et ça vient aussi de la collaboration avec Thomas Gunzik qui a amené quelque chose. Il est très très bien dans les monologues, extrêmement littéraires. Et donc effectivement, chacun des personnages à un moment donné se tourne vers la caméra et dit et parle comme un livre, toi. Oui. Il y a une dimension philosophique aussi, puisque voir sa date de mort, on dit que l'homme se distingue de l'animal parce que c'est la seule créature qui sait qu'il va mourir. Mais là, quand on connaît sa date, du coup, j'imagine que ça influe sur le destin des gens. Oui, effectivement. Il y en a qui changent rien, puis il y en a qui savent que s'ils sautent par la fenêtre, ça va rien changer du tout. C'est pas le jour de leur mort. D'autres qui... Et puis ça crée... Il y a le... Un des six nouveaux apôtres. Oui. Qui... Elle cherche des apôtres. Voilà, elle, en fait, elle cherche six apôtres de plus pour faire 18 comme au baseball, parce que sa mère préfère le baseball, son père était un fan de hockey qui se joue à 12, et elle s'est dit, on va plutôt faire 6 de plus pour 18. C'est son frère JC qui lui a conseillé de faire ça, et qui lui a indiqué le passage par la machine à laver qu'il avait hacké pour arriver dans le monde en bas, quoi, dans la masse. C'était un film ancré dans le réalisme. Hein. Si vous aimez les frères d'Ardenne, le tout des mais c'est plus belge que les frères d'Ardenne, je trouve. C'est plus l'image que les Français ont des Belges, parce qu'il y a ce surréalisme, il y a ce côté Magritte, même bunuelien. Je ne sais pas si c'est un héritage que vous aimez, mais j'ai trouvé qu'il y avait tout ça. Ce que les Français aiment des Belges est dans le film. Voilà. On dit souvent des Belges en Belgique, il faut être fou parce que sinon tu deviens dingue. Et moi, je dirais plutôt que c'est un film absolument universel, avec beaucoup de philosophie, qui confine même la poésie, l'humour. C'est le Tout Nouveau Testament, un film de Jaco van der Maal qui sort mercredi prochain. Et tiens, mardi prochain, Benoît Poulvord sera dans la matinale avec Patrick Cohen. Il sera l'invité de 8h20. Sing song Sally, it's the rose. She fled from everything they foretold. So frankly spoken, they adored to see a villain in her quest for love, love, love. Little Sally, shame is c'était Sing Song Sally de Anne Pirlet. C'est Anne Pirlet qui a composé la musique du film. C'est la voix de Jaco van der Maal qui est avec nous. Le film, c'est le Tout Nouveau Testament. Oui, sous-titré Dieu existe et il habite Bruxelles. Vous comptez faire une suite, Allah existe et il habite Saint-Denis. Et évidemment, on est en attente, évidemment. C'est vrai qu'il s'agit d'un film blasphématoire, hein, c'est un peu le dire. Et autour de la table, André Manoukian, Guillaume Meurice, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Isabelle Sorrente qui nous parlera littérature. Allez, donc, dans cette deuxième saison, on cesse de vous le rappeler, du contenu, vous l'avez senti, je crois, du contenu, du travail, ah bah oui, vous l'avez senti. C'est-à-dire la différence qualitative avec l'an dernier, bah, c'est-à-dire que cette année, on travaille. Et on travaille tellement, et on est toujours à l'heure, car il est 17h22, et c'est à présent le journal de presque 17h17. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres de cette édition. Séisme en politique, François de Rugy démissionne d'Europe Écologie Les Verts. On verra dans cette édition les nombreuses conséquences de cette décision terrible pour le paysage politique français. Culture, Arte révèle les premières images de son programme culinaire avec Gérard Depardieu. En fait, c'est comme une télé-réalité, sauf qu'on connaît le gagnant, c'est Gégé, et les perdants, 12 cochons, 15 agneaux, une trentaine de homards et 350 hectares de vignobles. Nous terminerons par quelques brèves jamais intéressantes, mais toujours choisies par Alex Vizorek. Vous êtes malhonnête parce que j'avais écrit parfois intéressante et parfois choisie par Alex Vizorek, voilà. Et changé voilà. Le texte. Malhonnête, il faut le dire aux gens aussi. On commence ce journal donc par la démission de François de Rugy et un sondage fort. Effectivement, sur 100 Français interrogés par nos soins, 83% ont répondu « Mais qui c'est ce François de Rugy ?» et 17% ont répondu « Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ?» Mais il reste des gens à Europe Écologie Les Verts, oui. Et notamment la présidente Emmanuelle Cos qui déclare dans Paris Match « Le gouvernement n'est pas assez écologiste. » Eh bien, qu'elle se rassure, le gouvernement n'est pas assez socialiste non plus. Justement, pour ces universités d'été à La Rochelle, le week-end prochain, le Parti Socialiste a employé indirectement, et donc à l'insu de son plein gré, des travailleurs roumains. Voilà, une façon claire de se distancier d'Arnaud Montebourg et de son Made in France. Notons que si l'entreprise sollicitée par le PS a sous-traité, c'est pour diminuer les coûts. Voilà, au PS, c'est vraiment l'anti-UMP. À l'UMP, on prend Big Malion pour doubler les factures. Au PS, on prend des Roumains pour les diviser par deux. Aux États-Unis, c'est le deuil après le meurtre en direct des deux journalistes. Mais oui, hein, le débat sur l'autorisation de la vente d'armes à feu est réouvert. Et je trouve ça idiot, bien sûr, qu'on peut vendre des armes à feu. En revanche, il vaudrait mieux ouvrir le débat sur la vente de munitions. Télévision, toujours. Oui, l'un des programmes les plus attendus nous vient d'Arte. Pour cette rentrée, il s'agit d'un documentaire culinaire où on suit Gérard Depardieu en train de manger et de découvrir des produits. Et la force du programme, ce sont bien sûr les fulgurances de Gégé. Effectivement, car cette série part d'un constat qu'il s'est fait lui-même. La plupart du temps, les gens ne mangent plus maintenant. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Voilà, il y a une partie de philosophie, on parlera aussi de religion. Écoutez cette prise de position théologique de Gégé, alors qu'il est en train de manger du jambon au couteau. Si les hosties étaient comme ça, il y a communier tous les dimanches. Mais il s'agira surtout d'un programme informatif pour les amateurs de cuisine. Ça, c'est les méduses. Et ça se bouffe ? Non. C'est important de le savoir. Ne mangez pas des méduses chez vous. Et on termine par la presse avec le magazine Challenge qui fait sa une sur les 100 personnes qui changent le monde. Eh bien, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, aucun d'entre nous n'est repris dans les 100 personnes. Étonnant, même pas Manoukian. C'est beaucoup de déception, même pas Manoukian. C'est un Challenge, c'est un magazine français. Donc étonnamment, sur 100 personnes, il y a 15 Français. Un seul Allemand. Alors, donc on est tranquille. Ça, ça vous emmerde, les Belges. C'est comme ça. Je crois qu'il n'y a pas un seul Belge. En revanche, j'étais surpris, Al-Baghdadi, le leader de Daesh, est oublié et naïvement, moi, je l'aurais mis dans les 100 personnes qui changent le monde. On se retrouve demain pour l'édition de 17h17. Puisqu'il est 17h26 sur France Inter et que nous sommes toujours en compagnie de Jaco van der Maal. Et avec vous, on va aborder le premier sujet de fond, puisqu'on est les 101e qui changent le monde. Parce que, je pense qu'on est vraiment arrivé par là. Si à la suite, on est dedans. Et d'après le journal Le Monde, justement, nous vivons le triomphe de l'ego en politique. L'enfer, c'est les nôtres, écrit joliment Le Quotidien. On aurait adoré la faire, celle-là. Tiens, au hasard. Concernant ce thème, pour l'illustrer, prenons par exemple Nicolas Sarkozy. Et maintenant, place, flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça, c'est vrai. J'avais pensé à autre chose, mais j'ose pas. Tu osais, je suis osé, allez-y. Et... Monseigneur est beau. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ? Je flatte. On a pris Nicolas Sarkozy au hasard, Jaco van der Maal. Je ne sais pas si vous cautionnez, si vous validez. Comme exemple de l'ego en politique, ça pourrait... C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ne faut-il pas toujours de l'ego pour faire de la politique ? Ah non, mais commencez pas à poser des questions intelligentes. Moi, je suis pas dans les sons qui changent le monde. J'ai décidé que la méthode, elle évolue. On a choisi ce sujet parce que, donc, en France, les partis politiques ont totalement perdu le sens du collectif. C'est l'ego qui transpire de partout. L'ego, c'est un petit peu chacun qui se prend pour Dieu. On a pensé à votre film. C'est, voilà, le côté mégalo des hommes politiques. En France, on dit toujours, par rapport à la Belgique, qu'ils ont énormément de charisme. En Belgique, on est toujours un peu observateur de ce charisme. On se dit, tiens, chez nous, peut-être un peu moins. Vous observez ça aussi, une différence peut-être de personnalité et de système aussi, c'est-à-dire qu'en en Belgique en Belgique, si on croit qu'on a compris comment ça marche le système politique, c'est qu'on l'a très mal expliqué. et en France, on a plus l'impression que c'est une espèce de royauté décalée, enfin que royauté élective, voilà, une monarchie républicaine, quoi. C'est ça. L'ego en politique, Isabelle Sorrente, est-ce que... Bah, malheureusement, je pense qu'on est vraiment dans un monde qui favorise un peu ça, un peu l'ego partout, quoi. Il y a aussi le côté, la rapidité des débats qui oblige parfois, je pense, à être très tranché, très égotique, très dans la mise en scène. Alors le pire, je viens de lire un article ce matin sur Donald Trump. Ah oui, dans l'ego, c'est pas mal aussi. Donc, oui, Donald Trump. Je pense que malheureusement, c'est un phénomène mondial. Berlusconi avait initié ça, je crois. Ouais. Il n'a pas un gros ego, votre Dieu à vous. Si, il est jaloux. Il a pas de pouvoir, mais il a le goût du pouvoir. Et oui, il est un peu décrit comme dans les textes les plus anciens, c'est-à-dire un peu jaloux, un peu vengeur, un peu. Mais il n'est rien sans son ordinateur, c'est ça. Il n'est rien sans son ordi, ouais, qui n'est pas de la dernière. C'est pas le dernier Apple, son ordi. Non, ça fait longtemps que ça tourne. Mais l'ego, c'est pas une notion qui est. Elle est très dévalorisée aujourd'hui, mais si l'ego n'existe pas, on n'a pas la conscience de soi. Il faudrait qu'on ait un ego, mais qui soit. Si on n'a pas d'ego, on n'existe pas, quoi. Par exemple, cette notion, même en termes de spiritualité, elle est très importante, quoi. Parce que si je ne sais pas qui je suis, je peux pas aller vers les autres, quoi. Comment on fait avec Prenons ça? Prenons Moïse vers l'ego pour dire à tout le monde, c'est par là. Mais non, les gars, il y a de la flotte. Non, mais inquiétez pas, je sais. En fait, il avait un super attaché de presse, Moïse. Ça, c'est une autre histoire. C'est ça. André Manoukian qui est dans une forme éblouissante. Mais oui, parce que là, alors, tant que vous avez le micro, je propose que vous le gardiez. Ah, c'est gentil. Allez, petit atelier de décryptage sonore du monde, pas de saumon, numéro 2. Savez-vous ce que c'est que... jingle, cette année. Est-ce que vous savez ce qu'est l'organologie? Isabelle, vous ne répondez pas, s'il vous plaît. Mais je ne sais pas. C'est la seule qui est susceptible de savoir, c'est ça? Au risque de vous décevoir, ce n'est pas la science qui consisterait à classer les organes reproducteurs masculins par taille, ce qui vous placerait sans doute, Guillaume et Alex, à la tête d'un glorieux cortège ou à l'affiche d'un groupe rêvé de rock qui pourrait s'appeler Rocco et ses frères. Non, l'organologie, c'est simplement l'étude des instruments de musique. Et ce que nous apprend cette discipline, c'est qu'il y a deux instruments qui présentent une perfection inégalée dans l'histoire de la fabrication des instruments. Le piano à queue, dont je me flatte d'être, selon mes moyens, un modeste serviteur, et le violon. Ces deux instruments sont les stars incontestées des instruments occidentaux. Il n'est qu'à voir le chef d'orchestre qui salue-t-il quand il prend possession de la scène, le premier violon et le pianiste. Aujourd'hui, on étudie le violon. 71 éléments de bois collés les uns aux autres, plus de 5 essences, l'épicéa du Tyrol pour la table d'harmonie, l'érable sycomore de Bohème pour le fond et le manche, l'ébène de l'île Maurice pour la touche, le palissandre pour les chevilles, l'alizier pour les filets. Que de voyages autour d'un petit violon, sans parler du vernis dont on a perdu la recette et qui fait le mystère et la qualité inestimable du son des Stradivarius. Tout ce qu'on sait, c'est que le bois était bouilli dans de l'eau contenant des pesticides à l'époque pour se débarrasser des vers, et ces pesticides ont cassé la molécule de cellulose et ils ont donné au bois une densité particulière qui serait responsable du son. Le problème, c'est qu'on ne sait pas reproduire ça. Alors les Français, le violon est né vers 1515, c'est facile à retenir, en Italie. Les Français vont mettre plus d'un siècle pour l'accepter. Ils vont préférer son ancêtre, la viole, plus rustique, plus grave, plus sérieux. Le violon étant plus aigu, le trouve criard et bon à faire danser les animaux. Crin de cheval qui frotte des boyaux de mouton. Et ben justement, Le cheval dont la tête orne cette fois le violon mongol qu'on est en train d'entendre. Et c'est là qu'on arrive au groupe du jour, les violons barbares. Vous aviez remarqué les violons mongols, Jacob Van Dormaet ? Oui, tout à fait. Oui. Tain, moi aussi. Hein. Tout le monde a entendu cette peut-être que j'hésitais. Peut-être que c'était la Galluca. Alors, ouais. Le violon barbare, ça sonne comme un oxymore, tant le violon de Stradivarius est l'aboutissement de siècles de mise au point et de perfectionnement des premiers monocordes arabes ou chinois. Mais violon barbare, c'est avant tout la rencontre du violoniste bulgare Dimitar Gougov qui joue de la gadulka, viol bulgare à 14 cordes, du percussionniste français Fabien Guyot qui lui tape sur tout ce qui bouge et du mongol Dandar Vanching Engjarkal. Allez, je recommence. Vous aurez compris Dandar cette année Vanching, du contenu, voilà. Et voilà, de la culture, oui. De la là, viol de gamme mongole et du stérile absent cette année. Voilà, sauf que ses copains Dandar Vanching l'appelle Epi, on va l'appeler Epi, hein, si vous permettez bien. Oui, on comprend pourquoi. Il joue du violon traditionnel à deux cordes, le violon mongol qu'on appelle le Morin Kor. Le Morin Kor est un violon magique. La Mongolie, c'est aussi le territoire des chamans. Vous savez les chamans. Voilà. C'est le retour des chamans. C'est le retour des chamans ou qui vous raconte des histoires de chamans. Vous savez combien je suis attaché à cette figure tutélaire qui représente l'essence du musicien, le sorcier qui, avec son instrument magique, parle aux esprits et pas aux jeunes filles. Eh bien, dans le désert de Gobi, quand une chamelle donne naissance à un chamelon, parfois, elle rejette son petit en raison d'un stress naturel. Il n'y a absolument aucun rapport. Écoute, les éleveurs jouent alors avec leur violon une mélodie. Mais vous trouvez ça où? Et merde. Mais c'est marrant parce que le début, ça ressemble à un copier-coller de Wikipédia. Mais et après, on sent qu'il a quand même fumé un gros pet pendant qu'il recopiait. Les éleveurs jouent avec leur violon une mélodie qu'on appelle le Koslo. Bon, allez, je vais y arriver. Et ça apaise la chamelle. Et ça l'incite à réadopter le chamelon. Et oui, ça marche. Faites-le chez vous. Si vous avez une chamelle et un chamelon et qu'elle le rejette, prenez votre petit violon et puis on y va. Crin, et vous allez voir, la chamelle, c'est très intéressant, va se rapprocher. Vous avez vu le pouvoir qu'on a, nous, les musiciens. Non, les éleveurs jouent alors avec leur violon une mélodie appelée Koslo pour apaiser la mère et réinciter à réadopter le chamelon. Je la reprends, merci. Ça, et ça va mieux. Dans d'autres cas, si la chamelle meurt après avoir donné naissance. Ah bah non. Bah là, on joue une marche funèbre avec le violon et puis terminé. D'autres mélodies du Morin Kor permettent à une autre chamelle d'adopter le chamelon. Bon, allez. Enfin. Et si on écoutait le son de la chamelle le soir au tir de lune? Le chanteur, il est magique, il pratique le chant diphonique. Ça veut dire ce que ça veut dire. On fait deux sons avec une seule bouche, en plaçant sa voix dans la cavité buccale de telle manière à ce qu'on obtienne des harmoniques. Je vous en parlais hier du son fondamental et des harmoniques. Arrêtez, Charline, quand tout ça est fait avec un minimum de technique, on arrive à produire un chant d'extase, parce qu'en se faisant vibrer tous les réseaux autour du visage, on peut vraiment s'envoyer en l'air. En même temps qu'on envoie l'air. Merci pour cette introduction. Allez, dans la chronique. Il est temps d'envoyer en l'air nos auditeurs de France Inter. Vous avez vu, avec vous. C'est une voix. C'est pour nous faire écouter ça en plus, oui, en vrai. Mais sortez immédiatement. Le chanteur, il fait ça avec sa voix. Écoutez, on dirait. Les diphoniques, attention. Shalchan la, Les violons barbares, non, voilà, je m'excuse auprès d'eux, je les ai découverts cet été, je les ai vus sur scène, c'était à Chamonix. Là, on entendait le galop. Exactement, du cheval. Il y a toute cette culture est quand même beaucoup basée sur le cheval et sur les petits chamelons aussi. Et là, je crois que c'était le chameau. Si vous voulez réécouter cette chronique, si vous pensez que vous n'avez pas bien compris le concept, Franceinter.fr, je vous y engage. André, il y a une chamelle au téléphone pour vous. Ben justement, et elle a retrouvé son chamelon. Oui, a priori. Nous sommes toujours sur France Inter en compagnie de Jaco Van Dormael qui se demande où il est tombé. Son tout nouveau film sort mercredi, c'est le tout nouveau Testament, avec notamment Benoît Poulvourde, Catherine Deneuve, François Damiens, Yolande Moreau. Mais Catherine Deneuve, comment vous lui avez pitché le fait qu'elle allait être l'amante d'un gorille? Mais elle a lu le scénario. Et elle a accepté quand même. Écoute, c'est quelqu'un de formidable, hein. C'est quelqu'un qui a un humour le dingue. Catherine Deneuve, elle se lâche, là, c'est parti, elle est la cinquième apôtre, donc c'est la femme délaissée, Martine, qui trouve plus d'amour chez un gorille que chez son mari. Plus d'affection. Le film de Jaco Van Dormael. Et lundi, Hippolyte Girardot viendra nous faire une chronique à partir du film. On ne sait pas où il nous emmènera. Il part du film, après on ne sait pas où il nous emmène. Mais c'est parti d'un film qu'il n'avait pas vu. Il est venu prendre des notes d'ailleurs. Il travaille. Work in progress, comme on dit. Allez, à cette heure-ci, c'est l'heure de Guillaume Meurice. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, est-ce qu'il est question d'animaux, de gorilles. Choses On n'est pas loin. Moi, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une belle initiative organisée par une sympathique association qui s'appelle le MEDEF. Et oui, elle a en effet décidé de réunir des centaines de patrons dans un seul et même endroit, simplement pour nous faire vivre l'expérience d'un lieu où on aurait envie, je dirais tout simplement, de décéder. Voilà, de mourir. Ça s'appelle les universités d'été. J'y étais ce matin. Vous voulez une preuve ? Une entreprise, c'est pas fait pour créer des emplois. Une entreprise, c'est fait pour rendre un service économique. Voilà, on est bien à l'université d'été du MEDEF, plus aucun doute. On n'est pas à l'assistance sociale ni à l'armée du salut. On est là pour parler service économique. Alors, comment crée-t-on du service économique ? Eh bien, tout simplement en innovant, comme le propose ce jeune chef d'entreprise. Nous présentons un logiciel de géolocalisation dans les bâtiments. Et quand on passe à côté de ces émetteurs, ça envoie des informations sur les téléphones portables, sur les smartphones. Ah, ça sert à ficher les gens, c'est un peu flippant. Diriger les gens, pardon. Ah, j'ai dit ficher ? Oui. C'est pas le cas ? Non, diriger pour les orienter un petit peu comme un GPS, mais à l'intérieur d'un bâtiment. Quoi. Oui, mais du coup, on va savoir où ils sont. Ça dépend le but final de... Ça dépend du but. Voilà, ça dépend du but, hein, on sent la gêne. Mais là, le but, c'est de pouvoir géolocaliser quelqu'un dans un bâtiment, c'est très très utile. Il est où Patrick ? Attends, je le géolocalise, il est aux chiottes. Voilà, merci l'innovation. Autre exemple, si Jacqueline prend une pause clope, eh ben on saura où la trouver Jacqueline. Et accessoirement, on saura le temps de sa pause clope, mais c'est pas flippant du tout. Enfin, de toute façon, Jacqueline, encore faudrait-il qu'elle ait du travail, parce que pour l'instant, les entreprises n'embauchent pas, malgré le fameux pacte de responsabilité et ses baisses de charge, demandons à un autre patron. Non, elles n'ont pas été baissées. Le pacte de responsabilité ne donne aux entreprises qu'en échange un allègement d'impôts. Voilà, c'est ce que j'appelais une baisse de charge. C'est une baisse de charge, si vous voulez, oui. Ah oui, on est d'accord quand même. Non, on n'est pas d'accord. C'est un allègement d'impôts. Prenez la même idée sur les particuliers. C'est pas parce qu'on vous taxe moins quand vous baissez les charges. Où est la normalité ? Voilà, alors où est la normalité ? Ne me force pas à faire une réponse vulgaire qui aurait trait à l'introduction de cette dite normalité dans un endroit précis de ton anatomie, endroit où se trouvent d'ailleurs les promesses d'embauche du MEDEF, malgré donc ces petits cadeaux fiscaux. À ce propos, qu'en pense cet autre patron ? Bon, allez, concrètement, mon comptable a vu qu'avec le CICE, il y avait des petites choses à gratter. Alors, mais est-ce que les charges ont baissé ? Ça va être très très ponctuel ou de manière indirecte. Donc oui, il faut vraiment aller à la chasse aux bonnes affaires. Mais oui, un peu alors. Un poil. Bon, alors du coup, est-ce que vous avez embauché un poil ? Oui, en fait. Alors, ben, je dirais à la mesure des avantages qu'on a pu avoir, c'est-à-dire un peu plus de stagiaires rémunérés, mais on n'a pas encore franchi le cap d'avoir des CDI ça reste compliqué. Quoi. Ah, c'est compliqué. Et c'est le moment de rappeler le coût du pacte de responsabilité. 46 milliards d'euros. Hein, 46 milliards d'euros pour permettre à chaque entreprise de sous-payer un stagiaire qui occupera, je le rappelle, un vrai poste. Prenez le nôtre, de stagiaire, Théo, 15 ans, il est dans le studio. Il a passé 3 jours sur Internet à préparer l'émission de la semaine prochaine avec Clara Morgan. Il nous a coûté déjà vachement cher en sopalin, mais en plus, ça a volé le boulot d'Alex Vizorek qui avait prévu de le faire avec passion. Tout ça sous l'œil désabusé de notre patronne, Charline. Et c'est vrai que c'est pas facile d'être patron en France, c'est pas joyeux. Heureusement, à l'université d'été du MEDEF, il y a la société Zénosphère et une certaine Aurélie. Et Aurélie, sa spécialité, c'est le yoga, mais pas n'importe quel yoga, le yoga par le rire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Nataloche ? C'est vraiment un outil de performance dans les entreprises, et c'est aussi extrêmement fédérateur, donc beaucoup de cohésion d'équipe. Vous faites rire les patrons ? Je fais rire les patrons, oui. C'est un sacré challenge, mais j'y arrive. En l'occurrence, c'est plutôt une grande récréation, on va dire, entre salariés et avec le patron, où on va passer une heure et quart en général, à rire, à jouer, à chanter, à danser. Youhou ! C'est la fête ! C'est la fête au bureau, on dessert son nœud pape, on met son masque de Pierre Gattaz et on chante du Michel Sardou. Grosse ambiance de folie. Alors comment elle procède Aurélie ? Elle propose tout simplement des exercices. Par exemple, je vais leur dire, vous êtes en retard, plutôt que de stresser, montrez votre montre, regardez votre montre et riez. Voilà. Ah mais c'est excellent. Oui. Ça veut dire qu'on peut arriver en retard au boulot maintenant, regarder sa montre et rire et le patron va comprendre directement. Il va comprendre qu'on n'est pas dans le stress et que de toute façon même si on est en retard, ça n'est pas grave et qu'il y aura toujours des solutions à tout. Ben voilà. Bien sûr, il va comprendre le patron. Il va comprendre surtout que vous êtes devenu complètement con et vous allez rejoindre sans plus attendre les plus de 3 millions de chômeurs en France. Vous pourrez alors leur expliquer que, comme dit Aurélie, ce n'est pas grave, qu'il y a toujours des solutions à tout. Ça, je pense que ça va beaucoup, beaucoup les faire rire. Merci Guillaume Meurice, vous à l'université du MEDEF, c'est comme, je sais pas, vous êtes comme dans un magasin de jouets, non c'est... J'adore ça. D'ailleurs, j'y retourne demain. Ah bah oui, demain. Oui, demain, ah on aura oui, la suite, bien ah sûr. Bah, merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. À 17h46 sur France Inter, en compagnie de Jaco Van Dormaal, on va aborder le sujet numéro 2, la crise des migrants, ce que la presse, en tout cas, appelle la crise des migrants, qu'on peut appeler aussi réfugiés politiques, c'est un débat qu'on a eu ce matin, à l'initiative de notre réalisateur Benjamin Riquet, avec lequel on a des débats d'actualité, énormément. Des éditos, des... Voilà. On a parlé sémantique avec ce sujet. Cela pose la question de la frontière, vieux concept né au XVIe siècle, nous rappelle Jean Quatremer dans Libération ce matin, concept du XVIe siècle vers lequel on revient. Retour vers le futur. Ne me plante pas pour un voyou, mec. Je suis pas une pute qui vole. Je suis Monsieur Montana Tony, prisonnier politique envoyé par Cuba. J'exige mon putain d'asile politique, maintenant. Je suis parti d'un bout du monde. J'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre. J'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Scarface et Raphaël. Il y a deux scènes dans votre film, le tout nouveau Testament, Jacques Van Dormaal. Ça se passe dans une église avec des sans-papiers. Un problème évidemment qui est aussi en Belgique et qui finissent, les sans-papiers qui finissent séparés Dieu, interprété par Benoît Poulvorde et le prêtre. Ces deux moments dans l'église avec les sans-papiers, comme votre Dieu à vous, il crée les pires emmerdements, c'est une des pire saloperie que fasse Dieu, évidemment, c'est ce flux de migrants et les raisons pour lesquelles ils sont en fuite, évidemment. Et lui arrive tout ce qu'il a semé aussi, évidemment, vu que Dieu n'a pas de papier, donc il arrive là et il se fait extrader avec les autres, donc il a tous les emmerdements qu'il a créés. Oui, et c'est pour ça que votre film est jouissif et fait comme une catharsis, parce que c'est vrai que quand Dieu arrive dans cette église avec ses sans-papiers, où tout se retourne en fait, c'est les sans-papiers qui aident, Dieu n'a pas ses papiers, voilà. Et ça, Dieu n'a pas ses papiers, il n'est pas du tout d'accord avec le prêtre qui dit, style, vous savez, Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres, il répond, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, quoi, hein, parce que c'est son fils qui lui avait fait croire ça, tu vois, mais lui, pas du tout, lui, il veut emmerder les gens. C'était donc important d'avoir ces deux moments dans l'église. C'était parce que, alors, on a vu sur votre fiche Wikipédia, qui n'est pas la meilleure source, que vous aviez accueilli un sans-papiers chez vous, hébergé à Bruxelles, parmi les 100 personnalités belges qui avaient accueilli. Alors, vous me dites, c'est pas vrai, mais j'ai peut-être signé un truc un jour d'un collectif de sans-papiers. On a déclaré ça, comme c'était interdit, on a déclaré ça. Et ça reste quelque chose de très vivant à Bruxelles aussi, hein. Enfin, comme oui, ici. Oui, un problème récurrent aussi. Voilà, et comme partout. On se demande toujours pourquoi, est-ce que les gens sont vraiment différents de l'autre côté de la frontière ou pas, hein. Donc vous n'avez pas accueilli de sans-papier? Non, j'ai déclaré que j'avais, comme ça on peut aller en prison. Ouais. Ah d'accord, voilà, c'est votre côté frondeur. C'était pas entièrement faux. Et encore ce matin, il y a Bart De Wever qui est un peu la droite de la droite en Belgique, qui a déclaré que les réfugiés c'est bien, mais il faudrait quand même pas qu'ils aient les mêmes droits que les natifs. Alors qu'Angela Merkel... Lentement, ça érode comme ça les droits fondamentaux. Angela Merkel qui déclare « L'Europe est dans une situation qui n'est pas digne de l'Europe » et 60% des Allemands pensent que l'Allemagne est capable de faire face au défi de l'intégration de centaines de milliers de réfugiés. Enfin, terminons par une légère note positive, en tout cas à 60% positive. Isabelle Sorrente, c'est votre moment. Ça y est. C'est le moment littérature Là, on va s'élever au-delà de ces problèmes. Bah, je sais pas, je vais essayer alors de faire dans les temps, de gérer tout ça. Là. Bon, alors... Vous savez, vous avez un maître en la matière à vos côtés. Oui, c'est le temps. Allez-y sans pression. Le temps est relatif, Isabelle. Oui, c'est vrai qu'il n'existe pas. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du dernier roman d'Isabelle Monin qui s'appelle « Les gens dans l'enveloppe » parce que c'est un objet littéraire très original et je pense, dans cette période d'interrogation sur les institutions politiques en Europe, je pense que c'est un roman démocratique. Alors, pourquoi ? Alors, Isabelle Monin, elle a déjà publié des romans remarqués, plus classiques, on va dire, Les vies extraordinaires d'Eugène ou Daffodil Silver. Et voilà que ça ne devait pas lui suffire, sans doute, et qu'en juin 2012, elle décide d'acheter sur Internet un lot de photographies d'une famille inconnue. Alors, vous le saviez peut-être pas, mais on peut acheter sur Internet des photos de famille pour une dizaine d'euros de gens que vous ne connaissez pas. Ça lui arrive par la poste, 250 photos dans une grosse enveloppe qui donne le nom d'ailleurs au roman « Les gens dans l'enveloppe ». Et on se demande comment des photos de famille, c'est sacro-saint d'habitude, ça passe de génération en génération dans des gros albums. Au pire des cas, quand on s'engueule, on les déchire ou on les brûle. Aux États-Unis, ils les Photoshop pour virer l'ex du décor. Sauf chez les Le Pen, où ça, c'est disponible dans tous vos magazines. Hein. Oui, absolument. Mais là, bon, alors, question, quoi. On devine bien que ça peut exciter l'imagination d'une romancière. Pourquoi ? Qui, quel héritier, quel cousin a balancé ses photos sur Internet pour la somme modique de 10 euros ? Et Isabelle Monin va faire ce que fait tout bon romancier. Elle va imaginer, elle va donner des noms à ces gens sur les photos et elle va imaginer leur vie. Ce qu'elle va imaginer est quelque chose de très tendre et d'assez mélancolique puisqu'elle va partir, elle va se laisser inspirer par l'absence de la mère de l'enfant sur les photos. Là où ça se complique, c'est qu'Isabelle Monin adore aussi les faits divers et qu'elle est aussi journaliste au Nouvel Obs, donc elle décide de faire une enquête. Et elle décide d'aller les chercher, ces gens. À cause d'un clocher dans l'angle d'une photo, elle se lance et elle va les retrouver, ceux qui sont encore en vie. Et elle fait un pacte moral. Il y a toujours, je crois, un pacte avant d'écrire un roman. Et elle, le pacte qu'elle fait, c'est qu'elle ne commencera l'enquête que quand elle a terminé d'écrire sa fiction et qu'elle ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que si elle s'est, entre guillemets, si son intuition médiumnique n'était pas juste, elle ne va pas corriger. Donc c'est très intéressant parce que le livre... Oui. Il est en deux parties, donc il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler la partie imaginaire, la partie fictionnelle où elle va deviner effectivement des grands symboles, des grandes lignes, la présence d'un fleuve, etc. Et puis la partie qu'on pourrait appeler réelle, mais justement qu'est-ce que la réalité, qui est le récit de son enquête. Et au milieu, il y a les photos et il y a même une troisième partie, parce qu'il se trouve que Isabelle Monin est la meilleure amie d'Alex Baupin, qui a fait un disque. Le chanteur. Oui. Voilà, qui est la bande-son, on va dire. Et pourquoi c'est très intéressant ? Parce qu'on se demande où est le réel ? Est-ce qu'il est dans la première partie, qui est la fiction, l'imagination, les symboles ? Est-ce qu'il est dans les images ? Est-ce qu'il est dans la musique ? Est-ce que la réalité est finalement dans l'enquête ? Et on comprend que c'est rien de tout ça. Que c'est ces espèces de vies minuscules, pour reprendre le titre d'un très beau roman de Pierre Michon, elles sont pas, on ne peut pas les attraper comme ça si facilement. Et je crois que c'est justement dans la reconnaissance de cette cette impossibilité, de cette imperfection, qu'il y a quelque chose pour moi qui est profondément politique. Parce que si on y réfléchit, comment se comporte un romancier avec ses personnages d'habitude ? On est infect, on est des démiurges vraiment mal lunés comme votre héros, comme votre dieu. Et on se comporte d'une manière très cruelle, c'est-à-dire qu'on se nourrit de la souffrance des personnages parce qu'on sait que c'est leur souffrance, leur noirceur, leur secret, leur perversion qui vont faire nos bons romans. Eh ben, bravo. Et réciproquement, eux nous empêchent de dormir, nous vampirisent. Et je dirais que l'ordre politique habituel de la création, c'est la tyrannie, la féodalité, quelque chose de très archaïque. Et voilà qu'Isabelle Bonin, elle use de ce rapport classique en première partie du bouquin, mais elle bascule ensuite dans un geste qui est presque un référendum, quoi. Elle va quand même aller rencontrer les gens de la photo et leur demander si sa forme fictionnelle leur convient, si elle s'interroge elle-même si c'est assez honnête, elle nous interroge, elle demande ce que c'est. Et finalement, je crois que les artistes, dans ce moment où on est tous en train de s'interroger sur la citoyenneté, sur prendre part à la vie de la cité, où il y a Rosan Vallon qui sort un super bouquin sur le bon gouvernement, eh bien là, elle fait quelque chose. Je crois que l'esthétique, le formel, les choix des formes sont en fait aussi révélateurs que les sujets. Donc voilà comment Isabelle Monin fait un acte politique, et comme dans toute tentative politique, elle va se heurter à la langue de bois, puisque quand même dans l'enquête, au sujet d'une boulangère qui s'est suicidée, les vieilles du village vont quand même lui dire, je cite, « C'était une femme gaie, pas du tout dépressive, elle s'est jetée dans le fleuve une nuit. » Je finis là-dessus. Ou est-ce que j'ai encore une seconde ? Non, rappelez-nous juste les références du livre. Alors oui, les références, soyons concrets. Isabelle Monin avec Alex Bocpin. Ça s'appelle « Les gens dans l'enveloppe » et ça paraîtra chez Lattès le 2 septembre. Et il y a un aspect quand même révolutionnaire, je le dis rapidement, c'est le traitement à l'image. Parce qu'on nous dit toujours qu'on est dans un monde d'images. Et c'est vrai. Et on est surtout dans un monde d'images sans légende. C'est-à-dire, on est bombardé d'images où il ne va pas y avoir de texte ou d'images muette. Et elle fait exactement l'inverse. Elle part d'images muettes et elle va donner deux légendes et des voix, ce qui n'est pas un acte de démiurge, mais un acte de conteur, donc cruel et humain. Voilà. Merci Isabelle Sorrente. Et les références du livre, évidemment, sur France Inter. Mais vu que c'est une chronique, on doit mener. Et là, on a tout compris. Moi, j'ai fait la parenthèse inattendue chez Lopez, et il y avait des albums de fausses photos de famille. Alex Vizorek, c'est le moment de... Ah, du sketch. C'est le moment du sketch, ouais, formidable. Déjà. Alors, je vous ai écrit un petit rôle, Jacob Van Dormael. J'espère que ça vous plaira, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Benoît Poelvoorde était un quatrième choix pour le rôle de Dieu, et qu'il y a eu un gros casting qui a été fait avant. Alors, on va essayer de se replonger là-dedans. Oui, alors, vous êtes Jaco donc... Van Dormael. Et puis, attention, nous, on va faire quelques imitations. Je lis ce qui est en vert. Vous êtes en vert. Salut ma couille. Vous êtes en... Vous êtes en fait. Mais Gérard, qu'est-ce que tu fais avec cette fausse barbe ? Ben, c'est pour mon rôle, le rôle de Dieu qui habite Bruxelles. Je me suis dit que ça le ferait carrément, non ? Ah, ça fait un peu Père Noël, tu sais. Ah, attends, déjà que je me fais chier à venir habiter en Belgique, je prends du poids exprès pour le rôle. Ben non, Gérard, t'étais déjà gros avant. Non, mais ça va pas. Bon, tu me prends pas ? Écoute, le jour où je tourne Bacchus existe, il habite Moscou, je te contacte. Suivant. Vous pouvez dire suivant, si vous voulez. Suivant. Ah, oui. Suivant. Salut mon Jaco, dis, je donne une précision sur le rôle, Dieu ça veut rien dire et donc ça veut tout dire et donc tu comprends rien, Dieu c'est un concept, toi tu me dis Dieu, moi je comprends Dieu ou je comprends un hérisson, c'est pas pareil tu vois, tu sais qu'on est entièrement composé d'eau et c'est ça le mystère de la life, hein, qu'est-ce qu'on fait pour le shoot? Écoute JC, enfin je veux dire Jean-Claude, on te rappellera. Hein. Ok, moi j'aime bien qu'on me rappelle, parce que moi aussi parfois je me rappelle que je suis moi. Au suivant. Bonjour monsieur Van Dormael, je me permets de vous déranger dans votre travail, que je respecte beaucoup, mais j'ai entendu dire que vous cherchiez quelqu'un pour jouer le rôle de Dieu, comme j'ai été président de la République, je me disais éventuellement. Mais monsieur Sarkozy, vous n'êtes pas comédien, ouais. En fait, je veux dire, c'est pas votre vraie profession. Et alors, il y a que Bernard Tapie qui a le droit de jouer la comédie, c'est quoi? Mais non, mais Dieu, c'est quand même le rôle principal. Vous pensez que vous serez à la hauteur? Mais bien sûr, je serai à la hauteur. J'en ai assez de jouer des rôles secondaires, moi. Ma spécialité, ce sont les rôles principaux. Écoutez, non. Au suivant. Bonjour, monsieur. Hein? Mais on caste Dieu, et Dieu, ça pourrait être un homme ? Non, mais je viens pas pour ça. Je suis la femme du petit messie que vous venez de virer. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? Si vous pouviez juste lui faire croire qu'il a toutes les qualités pour être Dieu, ça me soulagerait dans mon quotidien. Oh non, madame, là, je peux rien faire. S'il vous plaît, ma famille a les moyens, on peut vous aider à produire le film. Oh non, madame, non, c'est non, c'est non, c'est non. Oh, allez, casse-toi, pauvre. Je suis en compagnie de Jaco van der Maal et son film merveilleux, plein d'humour et de poésie, et ça fait un bien fou de le voir. Le tout nouveau Testament de Jaco van der Maal, coécrit avec Thomas Gunzig et avec Benoît Poulvorde dans le rôle de Dieu. Il y a aussi Catherine Deneuve, François Damiens, Yolande Moreau et comment prononce-t-on le nom de la jeune fille qui est extraordinaire? Oui, Pili Groyne. Pili Groyne, voilà. Merci à vous, Isabelle Sorand, Guillaume Meurice, André Manoukian, Alex Vizorek. Merci. Demain, merci. On va se retrouver avec Axel Lafont. Le mot de la fin, voici la première critique littéraire du polar suédois Millennium dont on allait parler, mais finalement, ce petit son suffit. C'est la première critique, c'est la première réaction. Allons-y. Donc attention, c'est une exclusivité France Inter. Allemand faute qui monte, and stoppé.